Ce n'est que ça le capitalisme. Du profit, on se fout de la qualité humaine. La télévision ne sert qu'à embobiner, qu'à nous envoyer des missiles dans notre subconscient. Tout ce qui conscientise le peuple est relégué à l'arrière-plan. Réapproprions-nous notre culture. Notre culture, c'est pas leur fournir du blé à travers ce qu'ils nous vendent. Yeah. Parce qu'ils pensent qu'on est dupes. En France ou ailleurs, c'est avec des mensonges immenses qu'on éduque. Mais vu que ce monde ne change pas, je commence à croire que maintenir les inégalités en sont les buts. Je te parle d'un monde qui a ses phases. Les ducons sont les ducs, nous volent nos idées et voudraient qu'on s'efface. À l'école, ils nous mentent, en politique, ils nous mentent, puis démentent et trouvent des morts qu'on se fâche. Je t'explique, je te parle de mondialisation. C'est l'extension à l'échelle mondiale du système capitaliste. La recherche du profit individuel, l'élaboration d'un monde virtuel qui empêche toute analyse. Mais contre ça, y'a pas 50 solutions. Faut qu'on soit ensemble, car il est temps que le flop stoppe. Mais avant tout, je suis venu passer le message. Toc toc, c'est radical, reporter pour un talk show. Réclame l'unité, parce qu'on a plus besoin de révolutionnaires que de révoltés. Le monde est à nous, récupérons-le. Et dans la paix et le respect pour le refaire en mieux. Je réclame l'unité, parce qu'on a plus besoin de révolutionnaires que de révoltés. Sur la loi du coach con, je tire un gros trait. N'oublie jamais, sans lutte, y'a pas de progrès. J'ai ouvert les yeux depuis peu sur le fait que le système nous a rendus bêtes à petit feu. Dans les livres, on nous bassine avec le passé pour cacher le présent. Le processus commence depuis petit peu, parce qu'ils veulent nous tenir à distance. Ils nous disent ce qu'on veut entendre, mais jamais, jamais ce qu'ils pensent. Pourquoi tu crois qu'il y a autant de foot à la télé? Des missions divertissantes, c'est qu'ils nous shootent sans résistance. Leur technique, c'est qu'ils ont créé l'industrie du disque, du sport, des voitures et tout ce que ça comprend. Le but, c'est de nous faire croire que c'est une fin en soi de devenir une star. Tout ça pour nous maintenir au second plan. Mais tout est calculé. L'esclavage se faisait par des chaînes. Aujourd'hui, c'est par des chaînes de télé. Ils ont l'emprise sur le mental. La société de consommation remplace l'humain par le rentable. Réclame l'unité, parce qu'on a plus besoin de révolutionnaires que de révoltés. Le monde est à nous, récupérons-le. Et dans la paix et le respect pour le refaire en mieux. Je réclame l'unité, parce qu'on a plus besoin de révolutionnaires que de révoltés. Sur la loi du coach con, je tire un gros trait. N'oublie jamais, sans lutte, y'a pas de progrès. Tu veux savoir quelle est ma mission? C'est démontrer aux gens que la liberté n'a pas de conditions. Mais si on vit tous avec des portables, des cartes bleues, c'est que sans le vouloir, on a accepté la soumission. Ici, personne n'a l'initiative, non. Car on suit tous les tendances et pense négativement. Mais seul, j'arriverai pas à grand chose. Stop les clashs de classe sociale, faut agir collectivement. Parce qu'une poignée de gens malhonnêtes se font la malle sur notre dos, nous manipulent comme des marionnettes. Mais regarde combien ils sont, regarde combien on est. Ils peuvent décider les lois, mais pas ce qu'on est. Car nos armes sont les mots, la foi et la pensée. Le seul moyen de battre le plus fort, c'est en l'étant aussi. Et s'ils pensent que seul l'argent fait le pouvoir, allez leur dire que la musique en est un aussi. Je réclame l'unité, parce qu'on a plus besoin de révolutionnaires que de révoltés. Le monde est à nous, récupérons-le. Et dans la paix et le respect pour le refaire en mieux. Je réclame l'unité, parce qu'on a plus besoin de révolutionnaires que de révoltés. Sur la loi du coach con, je tire un gros trait. N'oublie jamais, sans lutte, y'a pas de progrès. Nul n'a le monopole de la beauté. Nul n'a le monopole du savoir. Nul n'a le monopole de la connaissance. Jeunes du monde, nous avons tous notre place au rendez-vous de la victoire. Amen. Amen. Amen.